Bonjour, comment vas-tu? Hello, très bien, et toi? Je suis un peu malade, mais je me sens déjà mieux. Je vais pouvoir jouer au paddle demain avec les armées. Et toi, quand reviendras-tu? Probablement, la semaine prochaine, je me réjouis.